Qu'est-ce qu'on est bien entre hypocrites. On invente des thèmes et on a nos propres rites. Toujours à compter que de la merde. Oh ouais. Qu'est-ce qu'il lâche. Vas-y de boulot. De trouver des barres. Je vais pas non plus faire chanter mon petit pop. Allez, vas-y, trouve de l'inspi. Tu vas pas me dire que pour chanter, il te faut 3 grammes. Oui. Serre-moi, toi. Vas-y, oui. Mon petit. Chanter plus fort. Le micro est volant. Et c'était sans compter sur l'aide de JB. Encore une fois, vous êtes bien amusé chez moi, bande de rats. Oui, ah oh oui, ah oh oui, les rats. Pour la tête, chanter plus fort. Ah oh oui. Bah tu sais quoi, pour la peine, on va recommencer. Oh ouais, ouais, ouais.